premier jour où je t'avais vu. Les larmes aux yeux, la gorge qui pique, tu m'avais plu. Ce jour-là, tout a changé. Tu es l'étoile qui a su me guider. Dans tes bras, je suis consolée. Me protéger, tu l'as toujours fait. Et quand la pluie tombe, je pense à toi. Et quand la pluie tombe, je pense à nous. T'as fait de ce fruit l'arbre que je suis. Un enfant parfait, un visage qui sourit. Pour une mère comme toi, c'est sûr, je paierai le prix. Tu as su m'inculquer certaines valeurs en essayant d'éviter les erreurs. C'est fou comme une mère cache sa douleur. La mienne a su me donner bien plus que son cœur. Toi qui as su me donner ta confiance. Toi qui m'as mise dans tes confidences. T'as su m'enseigner le mot prudence. C'est grâce à toi si aujourd'hui moi j'avance. Quand la pluie tombe, je pense à toi. Qui a toujours été là pour moi. Je ne veux surtout pas que tu oublies. La relation mère enfant c'est pour la vie. Et quand la pluie tombe, je pense à nous. T'as fait de ce fruit l'arbre que je suis. Un enfant parfait, un visage qui sourit. Pour une mère comme toi, c'est sûr je paierai le prix. Te dire merci, j'attendrai pas que tu sois parti. Te dire je t'aime pour moi n'a pas de prix. Quand je serai à ta place, je te dédierai ceci. Et quand la pluie tombe, je pense à toi qui a toujours été là pour moi. Je ne veux surtout pas que tu oublies la relation mère enfant c'est pour la vie. Et quand la pluie tombe, je